Allez, on va se faire une bouffe avec Brassens et James Dean. Les chats qui bottent bien dans le pays des facteurs fêlés, où les chiens ne mordent pas des crocodiles végétariens, des crochets sans capitaine, des capitaines sans bateau. Des bateaux sans voile, des voiles de bonne humeur, des heures qu'on ne compte pas, des desserts à profusion, des éléphants qui ne trompent pas, quelques souris géantes jouant à chat perché, jouant à chat perché. Dans un monde ou bien dans l'autre, on se reverra quand on sera des chameaux. On se reverra quand on sera des chameaux. On se reverra. Avec mon ami Karl, on referait bien le monde. Ou Albert, évidemment, le cinquième mousquetaire. Et pas ce physicien un peu trop relatif, car je n'y comprends rien. Car je n'y comprends rien. Zoomer sur le verre, peut-être bien qu'il n'y a plus d'eau à demi-vide, à demi-plein. Ça dépend du point de vue, mais qu'est-ce qu'on s'en balance? Levons nos putains de verre à la santé, à la santé, à la santé des chameaux. Dans un monde ou bien dans l'autre, on se reverra quand on sera des chameaux. On se reverra quand on sera des chameaux. On se reverra. Dans un monde ou bien dans l'autre, on se reverra quand on sera des chameaux. On se reverra quand on sera des chameaux. Dans un monde ou bien dans l'autre, on se reverra quand on sera des chameaux. On se reverra.